Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Fragonard, le chantre de cette légèreté érotique dont les Français semblent s'être fait une spécialité. Vous connaissez l'œuvre intitulée Le Verrou ? Elle a été choisie pour illustrer l'édition folio du célèbre roman de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. Ma tante a de la société au château en ce moment. Elle y reçoit une jeune personne de ses amis. Une madame de Tourvel. Je ne puis vous croire. Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage ? Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux ? C'est une scène galante où tout semble se conjuguer vers la célébration de l'ivresse de la volupté. Un vaste lit à baldaquin, aux rideaux cramoisis, une femme élégante, sa superbe robe remontée permet de voir son jupon mouler son genou. Un homme la tient serrée et pousse de la main le verrou de la porte, tandis qu'elle semble vouloir l'en empêcher. Libertinage, prélude aux ébats physiques. Nous sommes bien là, semble-t-il, chez Jean-Honoré Fragonard, qui fut l'élève de Boucher et au cœur de ce XVIIIe siècle prompt à célébrer les plaisirs des sens. Une œuvre destinée à un public de voluptueux matérialistes en quête de sensations, charmés par la touche rapide, légère et colorée. Aujourd'hui, les mœurs ont changé et les commentateurs trouvent à l'œuvre un certain climat de violence. Il est clair qu'il veut et qu'elle résiste. À quoi résiste-t-elle ? À la force du désir masculin ? Quelle imprudence ! Quelle audace de se retrouver seule dans une chambre avec un homme ! À son propre désir, au nom de l'éducation et de la morale qu'elle a reçue, et qui lui sont rappelés par une pomme sur une table et un bouquet jeté à terre. Certains y voient même la peinture d'un véritable viol dont la femme est la victime et l'homme la coupable. Sade est proche. Pour y voir plus clair, revenons à l'origine du tableau. Celui-ci fut commandé à Fragonard par un certain marquis de Véry. Mais ce n'est pas tout. Il commanda en même temps, pour que les deux toiles se fassent pendant, une adoration des bergers. D'un côté donc, nous aurions des gens modestes prosternés devant la Vierge, et de l'autre, un viol dans un riche intérieur. Quel rapport ? Le XVIIIe siècle est un siècle préoccupé de vertu, en parole. D'ailleurs, le marquis de Véry commande à la même époque deux autres toiles célèbres, mais à Jean-Baptiste Greuze, La malédiction du père et Le fils puni, tout un programme. Il faut se rendre à l'évidence. Nous avons bien un sujet à portée morale, l'opposition entre l'amour divin et l'amour charnel. Ils vont pécher et elle va de surcroît fauter, comme on disait alors. Nous devrions réfléchir à notre salut. Et pourtant, c'est le verrou seul qui est populaire, pas l'adoration des bergers. Le péché a toujours paru tellement plus séduisant que la vertu. Combien de Vénus faute-t-elle dans notre histoire de l'art, joyeuse et libre ? Où sont les Junons vertueuses ? Et qui préférons-nous ? Greuze, larmoyant vers la vertu, ou Fragonard, polisson, mais tellement vivant ? Et qu'avons-nous retenu de la Révolution si proche de notre tableau ? Le culte des vertus civiques ou le triomphe de la liberté personnelle. Finalement, même contesté, la légèreté de Fragonard nous enchante, au point de ne pas voir que le verrou peut offrir une réflexion sérieuse. Sommes-nous donc prisonniers du jugement des frères Goncourt au XIXe siècle, qui ne voyaient chez ce peintre que les déshabillés fripons, les ciels rosés par la chair des déesses et les alcôves éclairées d'une nudité de femme ? Le XIXe siècle, siècle pudibond. Plus largement, nous restreignons parfois l'art du XVIIIe siècle à l'image d'un érotisme superficiel et réservons aux encyclopédistes et aux penseurs la réflexion morale, établissant ainsi une hiérarchie implicite entre les différentes formes d'expression. En fait, ce qui caractérise le XVIIIe siècle, si français, c'est justement ce mélange intime entre la légèreté à la Fragonard et la réflexion philosophique et morale sur la société et ses modes de vie. En même temps, on peut aimer les deux.